Méditation pour ouvrir notre chakra de la couronne. Trouvez un endroit calme et tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant la méditation. Asseyez-vous confortablement avec la colonne vertébrale droite et les yeux fermés. Commencez à vous concentrer sur votre respiration. Prenez quelques respirations profondes et détendez-vous. Visualisez une lumière blanche brillante qui émane du sommet de votre tête et qui s'étend au-delà de votre corps physique. Imaginez que cette lumière blanche pénètre dans votre corps par votre chakra de la couronne, situé au sommet de votre tête. Visualisez cette lumière qui nettoie et purifie votre chakra de la couronne, le rendant brillant et clair. Restez concentré sur cette lumière pendant quelques minutes, en respirant profondément et en permettant à votre corps de se détendre complètement. Vous pouvez répéter un mantra comme OM ou Je suis connecté à l'univers pour vous aider à vous concentrer sur votre chakra de la couronne. Lorsque vous êtes prêt à terminer la méditation, prenez quelques respirations profondes et lentement ouvrez les yeux. Il est important de rappeler que chaque personne peut avoir une expérience différente avec la méditation et l'ouverture des chakras. Soyez patient et persévérant dans votre pratique. Mantra associé au chakra de la couronne. Il existe plusieurs mantras associés au chakra de la couronne, le plus courant étant le mantra OM ou OM. Le son OM est considéré comme le son primordial qui représente l'univers entier. En le répétant, on peut se connecter à une énergie universelle qui peut aider à ouvrir et équilibrer le chakra de la couronne. D'autres mantras associés au chakra de la couronne incluent SOAM qui signifie « Je suis cela » ou AMSA qui signifie « Je suis lui ». Page 15, nous allons voir comment pratiquer la guérison énergétique. Page 15.